Franco, d'Ouiman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal. Nous sommes le 2 septembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. L'association Unissonon pour la promotion des bateaux salue la décision du gouvernement burundais d'accorder des faveurs aux élèves batois après l'orientation des élèves de 9e année, notamment leur admission aux écoles à régime d'internat. Et dans le même temps, l'organisation Afashibigue trouve que les 800 francs prévus par élève interne et par jour ne sont pas suffisants. Et les rapatriés du site de Murembera de la zone Gakungu en commune Guiharo de la province Rutana manquent de logements, de terres cultivables, d'eau potable et des écoles suffisantes. Et cela depuis 2008. Nous appellerons notre correspondant pour les détails. Voilà pour le sommaire. Isanganiro. Bonjour. Les faveurs accordées par le gouvernement burundais aux élèves batois après leur orientation, l'orientation des élèves de 9e année montre que réellement il a déjà pris la question des enfants batois en main. La réaction est celle de l'honorable Liberat Nichainzi au nom de l'association Unissonon pour la promotion des batois, qui trouve qu'il s'agit d'une action louable et qui va encourager les élèves batois au cours de leur scolarisation. De leur côté, ils promettent en tant que responsables de continuer à sensibiliser les membres de leur groupe pour qu'ils prennent conscience de l'importance de l'école. Suivez-la. On a accueilli cette très bonne nouvelle avec joie, avec appréciation que les enfants batois vont intégrer et soutenir dans les écoles à internat, surtout ceux qui ont pu réussir l'examen d'onésienne. Et puis même ceux qui n'ont pas pu réussir cet examen, ils vont être encouragés par ce programme, par cette décision étatique. Donc, nous disons vraiment que c'est le début des bénédictions, vous voyez, avec un ministre pour la première fois dans l'histoire du Burundi. Et la deuxième décision de l'État, c'est d'encadrer et de soutenir les enfants batois qui ont réussi l'examen dans les deuxième année. Et puis, ce soutien va ouvrir vraiment des horizons pour les batois. Et ça va encourager les enfants qui sont derrière, les enfants de 7e et 8e, et même les enfants qui sont même devant. Nous savons vraiment que c'est une décision qui va beaucoup les encourager, et les parents, et les enfants, et les leaders batois. Donc, nous souhaitons plein succès à ces enfants-là qui seront dans les écoles à internat avec tout l'encadrement qu'il faudra. Et nous sommes sur le dossier et nous sommes en train de chercher à gauche à droite les enfants qui ont pu avoir les points pour profiter de cette décision. Nous avons été longtemps rejetés, nous avons été longtemps oubliés, nous avons été longtemps laissés en arrière, laissés pour compte. On s'était résignés comme quoi on n'est pas citoyen, comme quoi on n'est pas aimé ou soutenu comme tous les autres Burundais. Et aujourd'hui, vraiment, c'est la joie pour toute la communauté. Liberat Nichainzi qui parlait au nom de l'association Uniproba. La coalition pour l'éducation pour tous va fâcher Bigué lance un cri d'alarme au gouvernement de revoir à la hausse les subsides réservés aux écoles à régime d'internat, car ces derniers ne collent pas avec la situation économique du moment. Jean Samandali, président de cette coalition, lance cet appel après que les directeurs des écoles à régime d'internat de Gitega notamment aient indiqué qu'ils ne parviennent pas à satisfaire les besoins des élèves internes, tout en ajoutant que ces subsides leur parviennent tardivement et que les prix des denrées alimentaires flamme du jour le jour. Suivez Jean Samandari au micro d'Evariste Nzikobanyanga. J'ai dit que c'est insuffisant puisque les produits alimentaires, pour le moment, les prix se sont multipliés. À titre illustratif, il y a longtemps qu'un kilo de riz coûtait à peu près 800 francs. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, un kilo de riz coûte plus de 2500 francs. Donc, de 800 à 2500, voire 3000 francs, vous voyez que le prix s'est multiplié. Alors que le budget reste de 800 francs par enfant. Donc, la quantité a été diminuée, puisque le directeur ne pouvait pas acheter la quantité qui était prévue à l'époque. Ce n'est plus la même quantité. C'est pour cette raison que nous disons qu'on va revoir le budget alloué aux écoles à régime d'internat, pour que réellement nos enfants puissent étudier dans de bonnes conditions, puisque le ventre affamé n'a pas d'oreilles. Jean Samandari, c'est le président de la Coalition pour l'éducation pour tous. Et l'Association pour une jeunesse africaine progressiste, JAAP, se réjouit que les problèmes auxquels faisait face la jeunesse sont en train d'être résolus avec la mise en place de la Banque des jeunes BIJ et le Fonds d'impulsion et d'accompagnement FIGA qui leur facilite l'accès au crédit. Eric Nsengimana déplore néanmoins le détournement de l'argent destiné aux coopératives par certains administratifs. Ces propos ont été recueillis dans la suite des réactions que la rédaction Isanganiro vous propose par rapport aux 17 ans que le parti CNDD-FDD vient de passer au pouvoir. Suivez Eric Nsengimana. Au niveau de la jeunesse, nous en avons beaucoup de questions auparavant. Et après, nous avons vu que le parti au pouvoir via l'exécutif, à son excellence le président de la République, il a pris l'initiative d'aller vers les équivoques, surtout beaucoup de questions qui entrent la jeunesse, à ce qui concerne le chômage, l'employabilité des jeunes, via la création de programmes clairs, le capital pour qu'ils puissent démarrer les projets. En place en créant les banques de jeunes. En créant les banques de jeunes, ce n'est pas la réponse de la jeunesse, mais ils ont pensé à mettre en place le FIGA pour qu'ils puissent aider les jeunes à avoir des crédits. Parce que le problème majeur pour les jeunes, c'était l'hypothèque. Et ils ont aussi fait l'accès à la jeunesse de se mettre ensemble, en les mettant ensemble dans les coopératives. Et ils ont appuyé ce programme. Il y a pas mal de difficultés, surtout la gouvernance locale au niveau de l'administration. Mais il y a les administrateurs qui ne comprennent pas comme leur chef. Par exemple, vous voyez que l'exécutif a pris le devant pour contribuer 10 millions à chaque colline pour que la jeunesse, la population de la colline puisse se développer. Il y a des administrateurs qui créent des coopératives familiales pour qu'ils puissent abouffer cet argent de la population. La voie de sortie est claire. Il faut que le gouvernement crée un mécanisme de suivi, un mécanisme de l'inspection, régulière, de suivre que si le programme est déjà mis en place, est-ce que la population est en train de bénéficier collectivement comme était prévu. C'était Eric Nsengimana de l'Association pour une jeunesse africaine progressiste à JAAP. Il est 13h03 à Bujumbura. Isanganiro, la radio de l'avenir. La suite de ce journal sur Isanganiro, le prix du ticket de transport a diminué pour les passagers qui quittent Gitega vers d'autres provinces. C'est suite à l'abondance du carburant ces jours-ci à Gitega. Tels sont les propos des chauffeurs et passagers rencontrés au parking des véhicules de transport en commun de Masanganzila dans la ville de Gitega. Toutefois, les chauffeurs d'autres provinces qui viennent s'approvisionner à Gitega demandent que le carburant soit disponible chez eux aussi. Gérard Nibigira. Un chauffeur d'une voiture de transport en commun de type Probox qui fait l'itinéraire et Bujumbura Gitega Gitega rencontré au parking des véhicules de transport en commun de Masanganzila dans la ville de Gitega nous a révélé que le prix du ticket de transport a passé de 15 000 francs et plus à un prix allant de 8 000 à 10 000 francs. À ce même endroit, un passager possédant des bagages qui venait de Bujumbura dans la voiture Probox nous a dit qu'il y a allégé mieux du moment qu'il venait de payer 27 000 francs bout contre 35 000 francs qu'il a payé il y a un certain temps. Un chauffeur de bus IAS qui fait le trajet Bujumbura-Gitega quant à lui, laissant entendre que le ticket a passé d'une somme variable de 10 à 12 000 francs à 8 000 francs. Même chose pour un chauffeur de voiture Probox qui emprunte l'axe Ngozi Gitega qui fait savoir que le prix du ticket a passé de 10 000 à 8 000 francs. Cela étant, un chauffeur d'une voiture de ce type qui fait la liaison Karusi Gitega a précisé que le prix du ticket a passé de 8 000 francs à une somme variable de 6 000 à 7 000 francs. En outre, certains chauffeurs provenant des provinces autres que Gitega regrettent le fait que le carburant fait toujours défaut chez eux au moment où il est en quantité suffisante à Gitega ces jours-ci. A et donc de demander que le carburant soit rendu disponible dans toutes les provinces du pays. Sachez que les compagnies de transport en commun ayant des bureaux à Gitega, tels Tramwex, Volcano, Memento et Gotracom ont toujours observé officiellement le prix du ticket de transport Bujumbura Gitega de 8 000 francs. Depuis Gitega, j'ai Annie Bigira, Radio Isanganiro. Merci Gérard. Même satisfaction à Carousi où les propriétaires des véhicules, motos, moulins et machines décortiqueuses de riz, tous témoignent que depuis le début de cette semaine, ils ne s'observaient plus de files d'attente sur les stations-service. Les consommateurs de carburant affirment qu'il n'y a même plus d'exigence de quantité à ne pas dépasser. La population demande que cette situation soit pérennisée et que les prix du ticket de transport et des autres produits soient revus à la baisse. Blaise Pascal, Kararoumi. Depuis ce jeudi, la station-service du chef-lieu de la province Carousi distribue du carburant de type essence sans qu'il n'y ait de files d'attente de véhicules et motos. La même situation s'observe à la station-service de Bouhiga, qui est à une dizaine de kilomètres du chef-lieu de la province Carousi, où, depuis le début de cette semaine, il y a distribution d'essence et mazout, et tout véhicule et moto qui arrive est servi sans même lui limiter de quantité. À ces deux stations qui sont dans toute la province de Carousi, les agents de l'ordre de sécurité et les responsables de l'administration provinciale et communale ne s'y observent plus pour assurer la distribution du carburant et l'ordre. Cela est confirmé par les pompistes rencontrés sur place qui indiquent qu'il arrive même des moments où il n'en vient personne pour s'approvisionner. Les propriétaires de véhicules et motos, ceux des machines décortiqueuses et des moulins, ceux qui ont des groupes électrogènes, tous disent être satisfaits de cette disponibilité du carburant dans la province, tout en déplorant que plusieurs mois venaient de se passer et à ce moment chercher du carburant dans la province car aussi était difficile à retrouver et le litre d'essence arrivait entre 8000 francs et 10 000 francs. Il demande que cela puisse durer longtemps et aux décideurs de le faire aussi pour d'autres produits, signalant entre autres le sucre qui est aussi devenu plus rare, plus que même le carburant dans la province car aussi. Il demande aussi que les prix de tickets de transport et d'autres produits de première nécessité puissent être revus en baisse. Depuis car aussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise Pascal. Il est 13h07 à Bujumbura et à Rutana d'où nous retrouvons notre correspondant Veniste Niramaga. C'est pour nous rapporter que les rapatriés du site de Murembera de la zone Gakungu en commune de Guiaro manquent de logements, de terres cultivables, d'eau potable et des écoles suffisantes. Les habitants de ce site demandent à l'État et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. L'administration affirme être au courant de la situation qui prévaut dans ce site depuis 2008 et fait savoir qu'elle a déjà fait certaines initiatives tout en promettant de continuer à donner des aides demander des aides de part et d'autre pour les habitants de ce site. Venis tenir à Maga. Amashashe rutora amashashe rukayifuka. Kandi, mvule guye chane. Indi zavira umkuzimu. Le site de Murembera se trouve dans la zone Gakungu de la commune Guiharo en province de Rutana. Les habitants de ce site sont en grande partie les rapatriés en provenance de la Tanzanie depuis 2008. Les locataires de ce site éprouvent beaucoup de problèmes liés surtout au manque d'habitations commodes. Cela étant, la plupart des familles composantes de ce site habitent dans de vieilles maisonnettes en paille comme elle a tout constaté. Qu'à le moment des pluies venues, ces populations se cachent sous les sachets faute de tentes, ce qui les aide moins à planter des habitats de Murembera. Un autre problème, ajoutent les habitats du site, est lié aux eaux souterraines qui débordent et qui ruissellent à l'intérieur et à l'extérieur des maisons d'habitation. Ces habitats craignent les maladies conséquentes. Un autre problème des habitants du site de Murembera est lié au manque de terres cultivables, ce qui pousse les jeunes du site de se rendre en Tanzanie, pays voisin, à la recherche du travail. Les habitants de ce site de Murembera n'ont pas suffisamment d'eau potable et des écoles pour l'éducation des enfants. Ils demandent à l'État et aux bienfaiteurs de leur venir en aide. L'administration rapporte être au courant de la situation des habitants de Murembera et fait savoir qu'elle a déjà fait certaines initiatives pour ces populations, tout en promettant de continuer de chercher des aides de part et d'autre pour les habitants de ce site. Depuis Rutana, Veniste Niramaga pour la radio Isanganiro. Merci Veniste depuis Rutana. Et les jeunes Burundais vivant avec le VIH-Sida demandent au ministère en charge de la lutte contre cette maladie d'accélérer la mise à l'échelle de l'accès au contrôle de la charge virale chez ces jeunes. Ils demandent aussi à ce ministère d'éviter la rupture de stock des médicaments contre les infections opportunistes car des fois cela conduit à la détérioration de leur état de santé. Requête faite ce jeudi à Ngozi lors de la clôture du 4e forum national des jeunes Burundais vivant avec le VIH-Sida. Ngozi nous appelons selon notre correspondant Apollinaire Muzagara. Après avoir été informé que les personnes vivant avec le VIH/SIDA peuvent avoir un état de santé normal comme des séronégatifs suite à la bonne prise de médicaments, une bonne prise qui conduit à une charge virale indétectable, ces jeunes vivant avec le VIH/SIDA issus de toutes les communes du Burundi ont formulé pas mal de demandes aux différentes parties en vue d'avoir une bonne santé. Il s'agit entre autres d'éviter les petits de stock des antirétroviraux et autres médicaments contre les infections opportunistes, sans oublier plus d'efforts au gouvernement, sans oublier plus d'efforts de la part du gouvernement et ses partenaires pour connaître chaque fois que d'au besoin la situation de la charge virale. En vue d'une sensibilisation à grande échelle sur la lutte contre le sofléau, ces jeunes réunis au 4e forum national demandent au ministère de l'Éducation l'intégration du volet éducation sexuelle complète et IST VIH/SIDA dans le curricula scolaire. Ils n'ont pas oublié de demander aux partenaires de développement, l'appui de ménages et jeunes vivant avec le VIH/SIDA pour garantir leur autonomisation économique afin de subvenir aux besoins spécifiques. Les représentants du gouvernement et ses partenaires présents dans ce 4e forum des jeunes vivant avec le VIH/SIDA ont promis plus d'encadrement de ces derniers. Dongozi, Apone Muzagara, Radio Sanganil. Merci Apollinaire Muzagara, vous voudrez bien nous excuser pour ce petit problème d'aiguillage de cet élément sonore. On termine ce tour de nos correspondants à travers le pays par le sud du pays à Bururi. La route menant vers le sommet Inanzergwe est impraticable depuis plus de 7 ans. La population qui habite sur la lisière de cette montagne demande sa réhabilitation afin de faciliter le tourisme qui s'y pratique et les activités des employés des différentes radios et sociétés de téléphonie mobile qui y font des descentes pour d'éventuelles réparations ou maintenance sur leurs antennes. Zeno Zambimana. Depuis la colline Buhinga, zone monini de la commune Bururi, jusqu'aux antennes installées sur Inanzergwe, c'est un tronçon rocheux et plein de fossés. Un tronçon d'environ 4 km impraticable depuis plus de 7 ans. Les conséquences suite à l'état de cette route ne manquent pas. Les employés des six radios, dont la radio-télévision nationale du Burundi et ceux de la téléphonie mobile, qui ont leurs antennes sur Inanzergwe, y arrivent très difficilement pour des réparations éventuelles. Comme nous l'avons nous-mêmes constaté, ils sont obligés de garer leurs véhicules sur la route Bururi-Makamba dans la localité de Gahole et montent à pied sur Inanzergwe où ils arrivent étant très fatigués. Toutefois, le malheur des uns, c'est le bonheur des autres. Les transporteurs par tête profitent de cette impraticabilité de ce tronçon Gahole-Inanzergwe pour demander beaucoup d'argent de transport du matériel utilisé dans ces réparations, sans oublier le transport des vivres pour les forces de l'ordre et des autres employés de ces radios et téléphonies mobiles œuvrant à Inanzergwe. Certains de la population de la colline Buhinga, au pied de cette montagne, demandent la réhabilitation de ce tronçon Gahole-Inanzergwe pour faciliter non seulement le travail de ces employés de ces radios et téléphonies mobiles, mais également pour redynamiser le tourisme qui s'observait dans ces massifs montagneux. Depuis Inanzergwe, Zenon Zambimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. On termine comme on a commencé par l'éducation, notamment des enfants qui se détériorent quand leurs mamans partent dans les pays du Golfe. Constat de David Ninganza, c'est le directeur général de la solidarité de la jeunesse chrétienne pour la paix et l'enfance, Sogepaye en sigle. Et pendant ce temps, les papas de ces enfants rencontrés à Rumonge témoignent s'être difficilement habitués à cette éducation monoparentale. Leurs épouses, quant à elles, trouvent que les difficultés que leurs enfants éprouvent peuvent rencontrer ces problèmes durant leur absence. Omer Douayo. La tâche la plus pénible pour les hommes est d'assurer l'éducation de leurs filles en âge majeur. Cependant, certaines femmes ayant laissé cette éducation à leurs époux trouvent plutôt que l'éducation de leurs enfants se détériore par le mauvais comportement, non pas par l'éloignement de leur mère. De ma part, les difficultés que rencontrent les enfants, assistés par tous les parents, mère et papa, sont presque les mêmes difficultés qu'ont connues mes enfants. Des enfants peuvent mettre au monde mais avec des pères inconnus, non pas parce que tu n'es pas là, mais plutôt suite à leur mauvais comportement. Maître Prime Mbarubukeye, président de l'association militant contre la traite des êtres humains, rapporte un nombre d'hommes non moins important ayant déjà saisi cette organisation suite à l'incapacité d'assurer l'éducation des enfants laissés par leurs époux après leur départ dans le pays du Golfe. De son côté, David Ninganza, assistant du directeur général de l'association militant pour la défense des droits de l'enfant, SOGEPAE en sigle, estime qu'éduquer un enfant à distance est une perte. Nous l'avons constaté quand il y a des femmes qui décident d'aller dans le pays du Golfe comme Oman, Koweït et autres et qui laissent les enfants à la maison. C'est vrai qu'il y a des femmes qui vont avec consentement car le consentement est de nuire à l'avenir de l'enfant et d'hypothéquer l'avenir de l'enfant. C'est vraiment le consentement qu'il faut bannir. Il y a d'autres qui vont sans consentement donner les maris. C'est cela qui nous cause des problèmes quand ils retournent. La réinsertion, le rétablissement au sein de la famille est difficile. Toutefois, David Ninganza appelle les parents à ne pas échanger la vie de leurs enfants avec de tels intérêts à court terme. Merci Omer Ndouayou, il est 13h15 à Bujumbura et sur Isanganiro. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques qui m'ont aidé à le réaliser. Merci à Eric Ouimana pour la mise en ordre au micro. Jean Bosco Ndouimana, passez un très bon après-midi. Isanganiro.